Bienvenue chers auditeurs et auditrices de Radio Isanganiro, c'est le moment du journal en français dont voici les titres. La finalisation de la stratégie nationale de financement de la santé et l'approbation du comité multisectoriel chargé de suivre de près la mise en application des recommandations issues du dialogue de haut niveau sur le financement de la santé sont les deux principales activités qui restent à réaliser. Déclaration du ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr. Lidwine Baradahana Sojedi, devant les honorables députés. Certains chauffeurs de voitures taxis de type Probox et Saxide qui déplacent les passagers de Gitega vers d'autres provinces ont arrêté leurs activités pour contester les nouveaux prix du ticket de transport annoncé. Chronique et nutrition de ce dimanche nous parle des bienfaits de la pomme de terre avec le chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga, la présentation. Albin Doya sur la mise en onde. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal et par la page transport. Certains chauffeurs de voitures taxis de type Probox et Saxide qui déplacent les passagers de Gitega vers d'autres provinces ont arrêté les activités pour contester les nouveaux prix du ticket de transport récemment annoncé. Même chose pour certains chauffeurs des bus et de transport des agences de voyage, car il n'y a pas le mazout dans des stations-service. Et qui achetait le mazout en Tanzanie à environ 9 000 francs burundais le litre, son prix officiel au pays étant de 3 955 francs burundais. Mais l'essence y est en abondance à Gitega. Le point avec Gérald Nibigira. Une grande partie des chauffeurs de voitures taxi de type Probox et Saxed qui empruntent les itinéraires tels Gitega Bujumbura, Gitega Karusi, Gitega Ngozi et Gitega Muyinga ont arrêté leur travail ce dimanche pour contester le nouveau prix de tickets récemment annoncé au pays. Pour ces chauffeurs, ces prix ne sont ni convenables ni adaptés au prix du carburant qui reste élevé malgré qu'il soit disponible aujourd'hui. Ils avancent aussi l'idée que les pièces de rechange sont trop chères, comme un seul pneu qui coûte 300 000 francs, le coût du vidange de moteur de 80 000 francs bout, alors qu'il n'y a que 6 mois, il était de 30 000 francs bout. Les plaquettes qui coûtent maintenant 30 000 francs, alors qu'antérieurement, il ne coûtait que 15 000 francs bout, etc. Il demande à l'État de laisser ses taxis-voitures appliquer les prix du ticket négociés entre le chauffeur et le passager pour éviter le travail à perte. En outre, un chauffeur de bus Quaster rencontré au parking de Gitega indique que le mazout fait toujours défaut, d'où il avait l'habitude d'utiliser le mazout acheté en Tanzanie à 9 000 francs pour le litre, au moment où son prix officiel au Burundi est de 3 955 francs pour le litre. Il demande aussi que les chauffeurs de bus arrêtés pour cause d'appliquer les prix des tickets supérieurs à ceux fixés par l'État soient libérés. Il demande aussi qu'on laisse les bus appliquer les prix des tickets supérieurs aux prix officiels jusqu'à ce que le mazout soit disponible. Sachez que les nouveaux prix des tickets de transport Gitega Bujumbura est de 9 300 francs, Gitega Ngozi et Gitega Karusi 6 500 francs et Gitega Muyinga 8 000 francs, mais les chauffeurs de voitures taxi ont l'autorisation d'ajouter 800 francs à ces prix. Depuis Gitega, Jani Bigila pour la radio Isanganiro. Page santé, la finalisation de la stratégie nationale de financement de la santé et l'approbation du comité multisectoriel est chargé de suivre de près la mise en application des recommandations issues du dialogue de haut niveau sur le financement de la santé sont les deux principales activités qui restent à réaliser pour que la couverture sanitaire universelle soit effective au Burundi. La ministre de la Santé publique, Lidwine Baradahana, l'a déclaré ce jeudi lorsqu'elle répondait aux questions orales sur le rapport de descente effectué par la Commission permanente des affaires sociales et sur les prestations de la mutuelle et de la fonction publique. C'est au moment où certains députés estimant que l'accès de soins de santé demeure un souci majeur pour la population burundaise plaide pour la priorisation de ce programme. Jean de Dieu, il accorde. Bujya abarundi si benshi bafise accès aux soins médicaux. C'est le député qui figure parmi ceux qui veulent savoir l'état de lieu de la couverture sanitaire universelle au Burundi. Vuyekure Lazare, élu dans la province de Gitega, plaide pour la priorisation de son programme de santé. Il y parle des difficultés d'accès aux soins de santé. La ministre de la Santé publique, Lidwine Baradahana, explique que la couverture sanitaire universelle sera effective après l'achèvement des travaux en cours visant à finaliser la stratégie nationale sur le financement de la santé. Pour que la couverture sanitaire universelle soit effective, On a demandé la finalisation de la stratégie nationale sur le financement de la santé, car il est la porte d'entrée qui nous donnera les orientations pour que tout le monde puisse accéder aux soins de santé. Pour ce faire, il y a alors deux commissions, l'une de pilotage et l'autre technique. Le comité de pilotage a déjà été mis en place, mais celui technique est toujours en cours. Nous examinons encore des choses à amender, notamment au niveau de la place de la vice-présidente et du secrétaire. Nous y avons constaté des modifications nécessaires à faire. Ce comité sera chargé alors de cette finalisation de la stratégie de financement de la santé. Il y a déjà un draft, mais il sera question d'ajouter des orientations issues du dialogue national sur le financement de la santé. Elle ajoute qu'il reste aussi l'approbation du comité multisectoriel qui sera chargé de suivre la mise en application des recommandations issues du dialogue national sur le financement de la santé, lesquelles seront incorporées dans la stratégie dont il est question. Il y a également d'autres activités qui se poursuivent, car c'est l'EAC qui a mis à notre disposition un consultant qui nous a aidés à développer le dialogue national sur le développement de la santé sous le financement du Fonds mondial. Ce dernier détient toujours un contrat et il est sous la responsabilité de l'EAC. Il a donc présidé le comité technique pour élaborer la feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations issues de ce dialogue. Il reste la signature du Premier ministre sur ses propositions concernant le comité multisectoriel qui sera chargé du suivi de la mise en application des conclusions issues de ce dialogue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif d'un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d'une couverture sanitaire universelle d'ici 2025 et pour atteindre les objectifs de développement durable associés d'ici 2030. Radio Isanganiro, journal continue, page éducation. L'école technique Fratelli Tutti, tous frères suisses, chef-lieu de la province Makamba, n'a présent aucun enseignant reconnu par l'État au moment où l'année scolaire 2024-2025 va bientôt commencer. Parmi les enseignants à cette école et depuis l'année scolaire 2023-2024, il y a les contractuels, les vacataires ainsi que les bénévoles. Le directeur de cette école demande à l'État de prendre en main cette question et aux partenaires dans le domaine de l'éducation de contribuer pour qu'elle soit dotée du matériel suffisant. Cette école s'inscrit pour le moment parmi les nouvelles écoles publiques à régime d'internat, alors qu'elle était une école privée de la diocèse catholique de Bururi. Le point avec Élisée Kwizera. Cette école technique Fratelli Tutti, tous frères en français, a ouvert ses portes depuis l'année scolaire 2023-2024 en qualité d'une école privée de la diocèse catholique de Bururi. À ce moment, elle s'appelait Lycée Technique Référence de Makamba. Les enseignants qui y dispensaient les cours sont composés des contractuels, des vacataires et des bénévoles. Avec l'année scolaire 2024-2025, elle est parmi les nouvelles écoles publiques à régime d'internat. Le directeur de cette école, Abbé Justé Azowazimana, fait savoir que les préparatifs pour la rentrée scolaire 2024-2025 sont à un niveau satisfaisant pour pouvoir accueillir les élèves à l'internat. Cependant, il indique que l'école n'a à présent aucun enseignant reconnu par l'État et demande que le ministère de tutelle prenne à main cette questions. À son manque criant d'enseignants s'ajoute celui des guides de l'enseignant, des manuels de l'élève et plus de 30 ordinateurs pour compléter. Cet ordinateur qu'elle détient et fait aussi recours à d'autres partenaires dans le domaine de l'éducation. Vous saurez que cette école a débuté avec une quarantaine d'élèves pour trois sections composées de l'agriculture, l'électricité industrielle et l'informatique de télécommunication. Les élèves récemment orientés à cette école se comptent autour de 4 80, mais ces deux deuxièmes années ayant commencé avec cet établissement seront toujours considérés comme des élèves d'une école privée jusqu'à terminer leur cycle. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci à Élisée Kwizera. Radio Isanganiro, chronique nutrition. chronique et nutrition de ce dimanche, la pomme de terre est une bonne source de vitamine C. Cette dernière nous aide à garder gencives et dents et peau en bonne santé. Selon Jean-Paul Huineza, chercheur nutritionniste, la pomme de terre est une source de vitamine B, la thiamine et la vitamine B6. Elle a la capacité de protéger le système cardiovasculaire et de réduire l'hypertension. C'est le légume qui contient le plus de bêta-carotène nécessaire au maintien d'une bonne santé de la peau, des os, des yeux et du corps en général. Chronique et nutrition sur la pomme de terre avec Do-Ore Bingabire. La pomme de terre est une bonne source de vitamine C. Elle est aussi une source de vitamine B et B6, selon Jean-Paul Huineza, chercheur nutritionniste. Les pommes de terre sont une bonne source de vitamine C, bien que le processus de cuisson les fasse perdre une partie de cette vitamine. Et quand vous voulez trouver de la vitamine C qui se trouve dans la pomme de terre, ils ne font pas cuire votre pomme de terre. À ce qui concerne les minéraux, les pommes de terre se distinguent par les richesses en potassium et aussi faible, en fait, les faibles teneurs en sodium. C'est un bon aliment pour même les hypertendus, puisque la pomme de terre contient peu de sodium et une grande quantité de potassium. Elles sont pauvres en calcium, mais assez riches en fer, en phosphore, en magnésium ainsi qu'en zinc. La pomme de terre est riche aussi en cuivre, en manganèse et en d'autres oligo-éléments. Ce chercheur explique également que la pomme de terre contient des protéines très utiles à la croissance. La pomme de terre contient assez de protéines très biologiques et aussi très utiles à la croissance. La protéine de la pomme de terre sont riches en lysine, l'acide aminé essentiel qui fait défaut dans les céréales. La pomme de terre est une bonne source de protéines, bien que d'un point de vue strictement quantitatif, elle puisse sembler modérée, 2,07%. Les protéines de la pomme de terre possèdent les caractéristiques suivantes. Elles sont, au fait, elles ont une grande valeur biologique, c'est-à-dire qu'elles apportent toutes les acides aminés dont notre organisme a besoin et c'est dans une proportion qui favorise la croissance. Jean-Paul Huineza dit que la pomme de terre est bonne pour les personnes qui ont des problèmes de l'estomac. Elle lutte contre les ulcères et les brûlures d'estomac. En cas d'affection de l'estomac, je voudrais mettre accent sur ce point-là. En cas d'affection de l'estomac, nous avons dit que la pomme de terre est la meilleure amie de l'estomac. Ce que nous avons dit dans l'introduction, la pomme de terre est l'ami et une grande amie de l'estomac. En raison de bien-être gastrique ressenti après avoir mangé. Cet effet bénéfique est attribué à trois facteurs. Elle est anti-acide. C'est un aliment relativement alcalin, capable de neutraliser l'excès d'acide. Cette action carinisante se produit aussi bien localement dans l'estomac que dans le sang et dans l'urine. La pomme de terre a une consistance physique. Joue le rôle dans la consistance physique. La pomme de terre nous vient de l'Amérique du Sud, originaire des Andes du Chili et du Pérou. Dans la prochaine chronique nutrition, on vous parlera d'autres bienfaits de la pomme de terre. Merci à Do-Orebe Ingabire. Et bien voilà, c'est par ce que nous mettons un point final à ce journal. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. À la cabine technique, j'étais avec Albert Ndouayo. Au revoir et bonne suite de nos programmes.